Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Louvre, ce palais royal devenu le plus grand musée du monde. Philippe Auguste, qui a construit une enceinte à Paris. Et puis, il l'a flanquée à l'ouest d'une forteresse, dans un lieu qu'on appelle le Louvre. Pourquoi le Louvre? L'étymologie n'est pas tout à fait certaine. On parle d'une louveterie qui avait là, on parle d'une ancienne tour normande, Lower. L'histoire du Louvre commence à la fin du 12e siècle sous Philippe Auguste, comme le raconte l'ancien directeur du musée du Louvre, Pierre Cognam, dans cet extrait d'émission « Les collectionneurs » diffusé en 1985. D'abord forteresse, le Louvre va devenir plus tard résidence des rois de France, avant de se transformer en musée à la chute de la monarchie au moment de la Révolution française. L'histoire du Louvre reste étroitement liée à l'histoire de France et de sa capitale, Paris. À l'époque romaine, on est ici en pleine campagne, on est dans des champs. Pendant l'époque carolingienne, dont on a quelques traces sur le terrain, c'est également un système de pré ou de champs. Et jusqu'au XIIIe, c'est ce système qui perdure avec de l'élevage, des champs, des choses comme ça. Et à partir du moment où le Louvre s'installe ici, le quartier change radicalement et devient véritablement un quartier urbain. Avant de commencer à creuser, les archéologues avaient une assez bonne idée de ce qu'ils trouveraient dans la cour du Louvre. Mais aujourd'hui, ils sont agréablement surpris. Nos ancêtres y ont laissé plus de souvenirs que prévu. Les deux choses qui surprennent, qu'on ne s'attendait pas à trouver, c'est d'abord les restes de l'époque carolingienne, du 8e, 9e siècle. Ce ne sont pas des restes monumentaux ou même des constructions, mais on a des fosses, on a des traces des occupations à ce moment-là, et ça, c'est tout à fait intéressant. La seconde chose qui est surprenante, c'est la richesse du site, la quantité de choses que l'on trouve en permanence et les superpositions très importantes entre le XIVe et le XVIIIe siècle, l'abondance des dépotoirs, l'abondance des puits, des latrines, où on trouve une quantité d'objets tout à fait importante. Extrait d'un reportage de Jean-François Lisée en août 1984. C'est l'archéologue Jean-Pierre Trombetta que vous entendez dans cet extrait qui décrit les découvertes archéologiques qui seront faites au moment de la construction de la pyramide du Louvre, l'un des grands projets architecturaux du président de l'époque, François Mitterrand. Pour nous raconter cette riche histoire du Louvre, je reçois l'historienne de l'art Amel Ferrat. Amel Ferrat, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Alors, on entendait dans l'extrait au tout début de l'émission, ça commence cette histoire du Louvre au 12e siècle, à la fin du 12e siècle, sous Charles Auguste. Pourquoi décide-t-il de faire construire cette forteresse qui va devenir le Louvre? Oui, alors ça, c'est très intéressant. En fait, il le fait pour des raisons sécuritaires. En fait, il voulait protéger Paris avant d'aller en croisade. Donc, c'était une ville qui n'avait pas de murailles. Et à la jonction faible au niveau de la Seine, il va construire cette forteresse pour des raisons défensives, tout carrément. Simplement. Oui. Ouais. Voilà. Et ce sera Charles V, un peu plus tard, qui, lui, va faire perdre ce caractère défensif au Louvre, va décider d'en faire une résidence royale. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui va se passer avec Charles V au XIVe siècle, c'est que Paris va s'agrandir. Donc, on va voir se former un tas de faubourgs autour du Louvre. Et du coup, le Louvre va perdre son caractère défensif. Oui, parce que dans la ville, finalement. Exactement. Il se trouve intramuros, oui. Tout simplement. Et de là va naître le Louvre palais des rois, on va dire, oui. Avec Charles V. Mais dès le 15e siècle, les rois de France vont décider de tourner le dos au Louvre, vont plutôt se diriger vers les châteaux du Berry, de la Loire. Pourquoi? Alors écoutez, il y a plusieurs raisons, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, les rois n'avaient pas une résidence principale, c'est-à-dire qu'ils ne restaient pas en permanence dans une résidence, ouais. Voilà. Le concept, si vous voulez, c'est un peu un concept un petit peu nomade, on bougeait beaucoup, on allait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on allait 2-3 fois par an à Paris, d'accord. Et il y avait aussi d'autres raisons, parce que bon, c'est une époque où la peste sévissait, et on pensait aussi que si on résidait à l'extérieur de la ville, donc un air, je veux dire, l'air de la campagne, était quand même meilleur, donc pour ne pas, je veux dire, tomber malade et avoir la peste. Voilà, c'était pour ces raisons-là. Ouais. Voilà. François Ier va quand même, lui, qui aura un rôle important dans le développement du Louvre, il va décider, lui, quand même, de revenir au Louvre, d'en faire un véritable palais royal. On y revient dans un instant. Ouais. On écoute d'abord Jacques Folcribas, qui reprend, vous allez voir, c'est un assez joli extrait, qui reprend les mots d'une chanson de l'époque pour raconter justement cet épisode de l'histoire du Louvre sous François Ier. Il est au milieu de la terre, la France, un doux pays. Au centre de ce pays, Paris, bonne ville, et le Louvre, au cœur de Paris, c'est le palais que je bâtis. Une chanson naïve que chantaient les maçons aux alentours de l'année 1539. Les maçons du Louvre et les charpentiers et les peintres. Pourtant, ils ne bâtissaient pas. Pas exactement. Ils rénovaient. Ils transformaient plutôt le château médiéval. Ce Louvre, ou l'art qui, à cette époque, se confondait d'ailleurs avec la science, semblera toujours avoir rendez-vous. À toutes les époques et de tous les lieux où souffle l'esprit. Ce Louvre, où peu de rois finalement, bien que ce fût un palais royal, auront vécu, ni très longtemps lorsqu'ils le firent. Extrait de l'émission « Les grands musées du monde » diffusée en 1979. Alors, Amel Ferrat, que construisent donc ces maçons et ces charpentiers qui chantent cette chanson dont nous parlait Jacques Falkribas? C'est un très bel extrait. En fait, ce qui va se passer avec François Ier, c'est qu'il va, c'est lui le premier d'ailleurs qui décide de résider en permanence au Louvre, hein, donc ça va devenir sa résidence principale. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, le premier acte qu'il va poser, le premier geste qu'il va faire, c'est de détruire l'ancien donjon. Ouais. Hein, qui date de Philippe Auguste. Et là, c'est très symbolique, hein, parce que il détruit ce donjon pour, en fait, construire un palais Renaissance. Mmh. Vous voyez? Donc là, on assiste vraiment à un changement quasiment culturel, hein. C'est vraiment le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Voilà. Les fenêtres créent des ouvertures. Exactement, exactement. Mais en fait, comme il n'aura pas le temps, il va mourir prématurément et c'est son fils Henri II qui va hériter du projet. Voilà. Et c'est Henri II qui va, avec le grand architecte Lescaut et le sculpteur Goujon, c'est eux qui vont construire cette première aile, on va dire, cette première façade qu'on appelle d'ailleurs la façade Lescaut qui se trouve au niveau de la cour carrée. Oui. C'est vraiment le premier acte. D'ailleurs, c'est la première construction Renaissance en Île-de-France. Mmh. Voilà. Et la veuve d'Henri II va aussi, Catherine de Médicis, oui, va aussi poursuivre ce travail du côté des Tuileries, elle, essentiellement. Oui, alors ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'Henri II va mourir, en fait, donc sa veuve Catherine de Médicis, elle n'aimait pas beaucoup le Louvre, hein, parce que c'était quand même, ce qu'il faut comprendre, c'était toujours en chantier à cette époque-là. Hein, on est en pleine construction du Louvre. Donc elle va vouloir se retirer aussi de la ville. Donc elle achète donc des terrains qui se trouvent à peu près à 500 mètres donc du Louvre de l'époque. Et là, on se trouve vraiment à l'extérieur de la muraille. Hein. Mmh. On est vraiment à la campagne. Et donc elle achète ces terrains pour construire le palais des Tuileries. Tout à fait. C'est elle qui commande le palais des Tuileries. Mmh. Tout à fait. Et puisqu'on parle de Catherine de Médicis, évidemment, le Louvre sera le théâtre de ce fameux massacre de la Saint-Barthélemy. Oui. Que se passe-t-il à Amel Ferrat le 24 août 1572? Ah, quelle question! Que se passe-t-il? Et oui, oui, il se passe beaucoup de choses. En fait, c'est de là que va démarrer ce qu'on a appelé le massacre de la Saint-Barthélemy. Hein. Bon, juste pour faire un petit rappel historique, c'est que Catherine de Médicis, qui a voulu quand même œuvrer à la réconciliation entre protestants et catholiques, donc elle va célébrer le mariage de sa fille avec Henri de Navarre, hein, qui est le leader protestant. Et une semaine après le mariage, l'amiral de Coligny, qui était le grand leader protestant de l'époque, a échappé à un assassinat. Et là, il va se passer quelque chose d'assez incroyable parce que, bon, pour empêcher les représailles, si vous voulez, des protestants, bah, les catholiques, le fils de Catherine de Médicis, va ordonner de tuer les principaux responsables protestants, mais ça va très, très vite déborder. Et le massacre commence dans la cour carrée du Louvre. Hein. C'est de là que partent donc les... on va dire les hostilités, ouais, quoi. Voilà, ouais, voilà. Ouais. Mais Henri IV réussira à mettre fin aux batailles, aux guerres de religion, ouais, et il aura, on parle de lui aussi comme comme grand architecte presque du Louvre, il aura une importance fondamentale. De quelle manière Henri IV sera important pour le développement du Louvre? Oui, alors vous faites bien de le noter. C'est vraiment lui, je pense, que bon, quand il arrive, donc il y a bon, la paix est réalisée, on va dire ça comme ça. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va réaliser un projet qu'on appelle le Grand Dessin. Dessin E-I-N, hein, pas I-N, qui signifie objectif, projet, hein, dans le sens de projet. Et son grand projet, parce qu'il va faire, il va réaliser pas mal de travaux à Paris et notamment au Louvre. Et le projet consiste en fait à quadrupler la cour carrée, à achever le palais des Tuileries et surtout à relier le Louvre aux Tuileries. Mmh. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un projet gigantesque. Et c'est de là que est née ce qu'on appelle la Grande Galerie, hein, qui est la galerie de bord de Seine, d'accord, qui relie le Louvre aux Tuileries. Hein. Mmh. C'est avec lui que commencent ces travaux. Et tout ce, au fond, la vision, ce qui conduira au Louvre actuel, c'est sous Henri IV que cette vision-là prend forme. Exactement, exactement, ouais. Tout à fait. Donc, vous voyez, il y a tout ça, c'est vraiment, ça vient d'Henri IV. Hein, et c'est intéressant parce que ça montre que le Louvre, quand même, s'étale sur des siècles et des siècles. Hein. Et il y a une continuité entre les souverains, en fait. Chacun veut prendre le relais en essayant de parachever quelque part le grand projet d'Henri IV, hein, ouais, jusqu'au XXe siècle. On le verra avec Mitterrand, notamment. Oui. Louis XIV, c'est une histoire... c'est Louis XIV, évidemment. Eh oui. donc, histoire en deux temps. Oui. C'est lui, évidemment, qui va quitter le Louvre pour Versailles. Mais d'abord, dans cette première période, il sera au Louvre, oui, et il sera important, il va investir considérablement aussi dans le développement du Louvre. Tout à fait, tout à fait. En fait, lui, c'est à travers aussi son ministre Colbert, hein, parce que quand il arrive au début, il est assez jeune, sous l'impulsion de Colbert, donc il va vraiment... Colbert, c'est quelqu'un, un de ses ministres, qui a compris que le Louvre devait être à la hauteur, pardon, du Roi Soleil. Hein. Oui. Donc, il comprend très vite... si vous voulez, l'intérêt politique aussi du Louvre. Et donc, vont se réaliser pas mal de on va réaliser, pardon, pas mal de projets. Et un des gros projets, bon, il y en a pas mal, mais un des grands projets, ça a été la construction de la colonnade. Mmh. Donc, c'est l'aile est de la cour carrée, hein, qui a été gérée par Colbert, son ministre. Donc au départ, il fait appel, il voulait organiser un concours, mais ça n'a pas donné grand-chose, hein, c'était pas, les projets étaient assez faibles. Ensuite, il a fait appel aux grands architectes et sculpteurs italiens, dont Le Bernin, hein, le grand représentant du baroque. Ouais. Italien à Rome. Une star architecte à l'époque. Oui, oui. Mais malheureusement, bon, il va se passer quelque chose de très étrange. Hein. Colbert va hésiter, va... Bon, il n'a pas tout de suite pris une décision bien tranchée. Et Le Bernin va finir par rentrer chez lui à Rome. Oui. Hein. Et quand il rentre à Rome, on va voir une espèce de mainmise des architectes français. Donc, ils vont essayer... d'influencer Colbert pour qu'il ne choisisse pas le projet du Bernin. Hein. Et cette colonnade, en fait, c'est une œuvre de consensus quelque part, parce que c'est une œuvre, bon, on dit de Perrault. Bon, Perrault, c'était un médecin, architecte. Bon, pas architecte, mais plutôt médecin. Levaux aussi, et Lebrun, Levaux, c'est l'architecte du roi, et ouais, Lebrun, le grand décorateur, ouais, voyez. Mais il y a un geste, un éveil national, il y a un geste de chauvinisme national, de dire non, ce ne sera pas un palais italien qui serait fait par Bernin, Le Bernin, on veut que ce soit français, ce Louvre. Oui, alors je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est du chauvinisme, mais on réalise, je pense, à ce moment-là, qu'on ne choisit pas Le Bernin parce qu'on trouve que son projet, il est trop italien. Ouais. Il est trop dans le sens de baroque. Ouais. Et on veut vraiment se distancier de ce style. C'est le style de l'église à Rome. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Donc, du coup, on veut inventer son propre style quelque part. Mmh. Donc, on se démarque. Ouais. Exactement. En 1678, ce même brave Louis XIV va décider de quitter le Louvre pour Versailles. Pourquoi? Ben écoutez, il se trouve qu'il se trouvait un petit peu à l'étroit au Louvre. Hein. Quand même. Et oui, donc on avait fait plein de travaux pour lui. Et puis il décide de quitter le Louvre pour aller à Versailles. Ouais. Et donc, le Louvre va être quelque part abandonné. Hein. Et quelque part, c'est ce qui va faire aussi son histoire. Hein. Quand Louis XIV va à Versailles, donc avec toute sa cour, il y a une espèce de vide, ça crée un vide au Louvre. Oui. Et c'est là que Louis XIV va décider quand même d'installer toutes ses académies. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on va voir l'Académie de lettres, de sciences et la Grande Académie de peinture et de sculpture, donc qui est présidée par Lebrun, le grand décorateur. Voilà. Et je pense que c'est à partir de là que vraiment le musée, enfin, on ne parle pas encore de musée, ouais. Mais là, l'idée de musée est en train de germer. Voilà. Donc, les académies s'installent, d'accord. Et c'est de là que va vraiment commencer l'idée de musée, je pense. Qui se concrétisera, cette idée de musée en bonne et due forme avec la Révolution française. On écoute à nouveau l'ancien directeur du musée du Louvre, Pierre Cognam, à l'émission « Les collectionneurs » en 1985. Et puis, la Révolution éclate. Et c'est la convention qui fera naître le musée du Louvre en 1793. Le 10 août 1793, c'est-à-dire le jour anniversaire du 10 août 1792, c'est-à-dire la chute de la royauté, n'est-ce pas, on ouvre le musée du Louvre. Il est là pour célébrer le premier anniversaire de la République. Alors c'est là que, si vous voulez, le Bernard Lhermitte, si je peux dire, s'installe dans la coquille qu'il va progressivement occuper. Alors, ce geste de créer le musée officiellement du Louvre à Melferrat, dans quelle mesure, on regarde ce qu'on vient d'entendre, parce qu'il y a un débat là-dessus, dans quelle mesure on peut dire que c'est un geste symbolique, important, qu'on peut, un geste révolutionnaire, en fait? Oui. Alors, écoutez, c'est sûr que c'est après la Révolution que le Louvre va naître. Ça, c'est vrai. Mais faut pas oublier que c'est au XVIIIe siècle, avec les philosophes des Lumières, dont Diderot et les encyclopédistes, c'est à partir de là que l'idée de musée va germer. Parce qu'on va vouloir montrer les collections du roi au public. Oui. C'est eux qui vont les premiers avancer cette idée. C'est très important, ça. Et c'est la Révolution qui va développer, qui va réaliser le projet. Concrétiser. Voilà. Exactement. Cette idée qui est quand même une idée de démocratiser, au fond, de rendre public ces joyaux constitués par les différents rois de France qui dorment, entre guillemets, au Louvre. Les rois vont partir, c'est la Révolution française, les empereurs succéderont au roi. Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte sera très attaché au Louvre. Tout Napoléon III, c'est lui, au fond, qui va donner finalement, qui va compléter ce fameux grand dessin d'Henri IV, oui. On y revient. Oui, ça va être vraiment, lui, il a tout à fait conscience de vouloir parachever un petit peu le projet d'Henri IV, parce que c'est sous Napoléon III qu'on va aménager l'aile Richelieu, l'aile Denon. Bon, tout ça va être vraiment, si vous voulez, le Louvre qu'on connaît aujourd'hui va être vraiment construit par Napoléon III, tout à fait. Et ça va être une période aussi de travaux intenses. C'est un chantier gigantesque où on va faire travailler les ouvriers le soir. C'est les premiers travaux éclairés aussi, c'est l'électricité, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans la modernité. C'est tout à fait intéressant. Si vous voulez, même l'aspect, le déroulement des travaux, le chantier en soi est très intéressant à voir aussi à ce niveau-là. Évidemment, les régimes se suivent, les républiques se succèdent. Et c'est à la Troisième République que le pouvoir politique va vraiment quitter finalement le Louvre pour l'emménagement des présidents au Palais de l'Élysée. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire quoi, ça, dans l'histoire du Louvre? Ben, disons que le Louvre devient musée. Donc, carrément. Comme il est musée depuis la Révolution, il n'est pas... Mais symboliquement, il n'y a plus... Ça n'est plus un lieu de pouvoir. Non, ça n'est plus un lieu de pouvoir. Alors, il y a quand même... Le ministère des Finances occupe une partie du Louvre. C'était l'aile Richelieu. Parce que il faut savoir que les communards avaient brûlé le ministère des Finances, donc on les a relogés au Louvre, oui. Tout à fait. Et il a fallu attendre donc le projet de Mitterrand pour qu'on dédie tout l'espace au musée, en fait. On a relogé le ministère des Finances. Je ne dis pas que c'est moche, vous savez, mais c'est pas l'endroit. Disons que ça tranche, c'est sûr que ça tranche entre le moderne et le contemporain. Enfin, c'est sûr, ça tranche, mais enfin, bon... C'est le monument de M. Mitterrand, oui. Je la tolère. Vous la tolérez? Oui. Au début, j'étais contre. Je reconnais maintenant que ça passe. Monsieur Mitterrand est venu inaugurer ce qui est en fait la nouvelle entrée du Grand Louvre, où on aura bientôt doublé la surface d'exposition. It has nothing to do with Egypt, number one. L'architecte Pei ne voit dans la pyramide qu'une source de lumière. Le directeur du Louvre est aussi prudent. Donc, il a eu l'idée de la pyramide, qui n'est pas une forme symbolique du tout, et qui est simplement une forme architecturale pure, simple, qui par ailleurs termine, n'est-ce pas, la grande perspective des Tuileries, qui est une perspective de jardin, d'où la présence par exemple, des fontaines, qui sont un élément de jardin. Extrait d'un reportage de Raymond Saint-Pierre à l'occasion de l'inauguration de la pyramide du Louvre en mars 1989. Cette pyramide, elle nous montre d'abord, Amel Ferrat, que les transformations du Louvre vont se poursuivre jusqu'au 20e siècle. Oui. Et puis, elle nous rappelle cette controverse qui a eu cours au moment de ce projet de François Mitterrand de construire cette pyramide-là. Qu'est-ce qui faisait polémique d'abord? Ben écoutez, en fait, je pense que ce qui faisait polémique, c'est de construire quelque chose de tout à fait moderne et contemporain sur un site qui, quand même, représente le classicisme français. Hein. Mmh. Donc, on avait peur que le Louvre soit complètement écrasé par une architecture contemporaine moderne, voilà. Bon, c'est tout à fait légitime, hein, et en plus, le Louvre, comme on l'a vu à travers son histoire, c'est vraiment le symbole de l'histoire de France. Mmh. Hein. Donc, je pense que il y a quand même une on avait peur de dénaturer le site, ouais, tout simplement. Oui, oui, oui. Et Mitterrand, qu'est-ce qu'il voulait, quelle vision il avait avec cette idée de la pyramide? Ben, écoutez, déjà, vous savez comment on a appelé les travaux à cette époque-là? On a appelé ça le Grand Louvre. D'accord. Et on peut quand même faire un parallèle avec le grand dessin, ouais, d'Henri IV. Hein. Je pense qu'on peut faire le parallélisme. Donc, on est encore dans la continuité. Hein. La France n'est plus une monarchie, hein, mais il y a encore ce souvenir. Donc, vous voyez, c'est vraiment très profond. Hein. Et en fait, cette pyramide, elle parachève quelque part le grand dessin. Hein, de façon très moderne. Mais ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de créer une espèce de signe à travers cette pyramide pour accueillir le public. Mmh. Hein. Parce qu'avant la pyramide, c'était très difficile de se repérer dans ce musée. Hein. Donc on centralise comme ça, on a une espèce de repère visuel pour accueillir le public. Ouais. Et ce qui est aussi assez grandiose, je trouve, c'est de pouvoir, si vous voulez, illuminer, hein, cette entrée. Mmh. Et d'ailleurs, quand on est à l'intérieur, on voit aussi l'extérieur, hein, ouais, donc on joue sur les volumes et tout, mais sans dénaturer justement le site. Je pense que c'est la très grande force de ce projet aussi, de la pyramide. Amel Ferrat, historienne de l'art, spécialiste en art de la Renaissance italienne et en art islamique, merci beaucoup de votre passage à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.